Johnny Cash en 2002 sur son album American 4 qui sortait chez American Recording, la reprise du fameux et assez exceptionnel Hurt de Nine Inch Nails, écrit 10 ans plus tôt pour The Donald Spiro, là, voilà. Johnny Cash, ben on commence comme ça un peu de manière un peu mélancolique évidemment parce que Moucron était frappé dans sa chair, dans son esprit et sur ses fondations, voilà, un certain lundi 11 septembre 2017 que peu de Moucronois vont pouvoir digérer. Voilà. Pourtant, il faudra bien digérer. Johnny Cash, qui était décédé lui aussi, hein, non pas un 11, mais un 12 septembre, et aussi à l'âge de 71 ans. Voilà, dans toutes circonstances, évidemment. Et puis, cette manière, même si ça a déjà été fait sur cette antenne, de rendre hommage à Alfred. Voilà. Voilà. Au programme ce soir. Album de la semaine, un peu de réjouissance quand même. Hein. C'est vrai ? Oui. Hein. Bon. Bah, pas vraiment réjouissant, hein, l'album, mais. Ce sera à vous de voir. Oula ! La review de Korenko. Alors, on termine le fil rouge ? On termine aujourd'hui le ça fil rouge ? Ça y est, ouais. Bon. Oula, je sens un soulagement. Non. On a mangé partout de Bowie, c'est tout, quoi. C'est ça ? Je pense qu'on va le connaître par cœur. Ouais, non, on pourrait le connaître par cœur. Il y a une archive aussi aux alentours dans la dernière partie d'émission. Et quelle archive ? Et apparemment, ça c'est costaud, ouais. Et Books on the Radio. Bon, voilà. Et puis, il y aura, entre autres, dans la playlist du jour, on va vous parler de Chuck Haines, comme la semaine passée, parce que c'est bien. Allez. Et je soyons sais. Fous. Et toi ? Et moi ? Ouais. On va parler d'un petit groupe belge. Ah bah voilà. Ah bah. Pas de... On fait un peu de national, ouais. Un peu de national. Ouais. Un peu de national. Bon allez, c'est pas tout ça, hein. L'ironie du primate. Humour Louis-Philippard, le sarcasme prudomesque. Monsieur Naudin, vous faites sans doute autorité en matière de bulldozer, tracteur et caterpillar, mais vos opinions sur la musique moderne et sur l'art en général, je vous conseille de ne les utiliser qu'en suppositoire. Voilà, et encore pour enfants. Album de la semaine, donc, et l'album va nous emmener à Montréal, pour un trio qui s'appelle Big Brave. Big Brave. Big Brave, ouais. Alors, trio canadien, composé d'une chanteuse. Oui. Voilà, Robin Watty. D'un guitariste. Mathieu Bernard Ball. S'il vous plaît. Oui. Et d'un batteur. Jean-Sébastien Beauregard. S'il vous plaît. Ça fait très canadien, je trouve. Et donc, pas de bassiste, je suis désolée. Ouais. Bon, ben, je sors. Alors, c'est le deuxième album, si on peut appeler ça un album, parce qu'il ne contient que trois titres. Quoi ? Mais trois titres. Arnaque sur la marchandise ou quoi ? Trois titres qui font, mis bout à bout, plus ou moins 40 minutes. Ah ouais ? Voilà. Ah oui. Non, y a pas... On va prendre notre temps ce soir, c'est ça ? Ouais, sauf que je vous passerai quand même un seul morceau. Maintenant, un morceau tout à l'heure. Donc, trio canadien qui avait déjà sorti un album en 2015 qui s'appelait Au-delà. D'accord. Et qui avait déjà plutôt fait de bonnes critiques. Apparemment, pas jusque chez nous, mais c'est pas grave. Ah bah non, parce que Big Brave, franchement... Je connais pas, non. Est-ce que ça a à voir avec Steve Albini qui avait sorti un Big Black? Non, pas du tout. Un album, enfin un groupe même Big Black. Non, pas du tout. D'accord. Ça a été produit par un des membres de Jerusalem's in My Heart. Ah oui, notamment, tiens. Voilà. D'accord. Mais pas que, ça a été également produit par Ephraim Menuk de Godspeed. You Black Emperor. Voilà, tout à fait. Ah ouais. Ah ouais. On est dans le post-rock, quoi. Pas vraiment. Allez, l'album s'appelle Ardor. Premier extrait, c'est le morceau qui ouvre l'album. C'est un très long morceau, il fait 11 minutes. Et le morceau s'appelle Sound. Bon. Je vous laisse découvrir. Allez, on est parti alors. Grosse pièce. Quand même. Grosse, grosse pièce. Dans tous les sens du terme. Ah ouais, non, ceux qui s'étaient absentés et qui ont pris en cours. Et c'est quoi, c'est les canards? Ouais, ouais, vous êtes bien sur les canards, RQC 95 FM. Si, c'est bien nous, RQC.be, même si vous suivez sur le net. Ouais. Big Brave, bon trio canadien. Qui sort un pseudo-album, on va dire ça comme ça. Deux, trois titres, Ardor. Une petite fixette... chez les Melvins, c'est parce qu'ils sont habitués, les Melvins, de faire des trucs comme ça. Et une petite fixette chez Neurosis. Ah, quand même. Et alors, il y avait un groupe montois qui n'existe plus, un peu à ses cendres, qui s'appelait Blutch. Ouais, ouais. Qui faisait ça très très bien. Aussi, les trois notes qui n'en finissent jamais. C'est ça. Bon. Non, non, et c'est vrai qu'avec le chant féminin, bon. Ça donne quelque chose. Intéressant, un, quoi. Un monde à eux, un peu. Big Brave, l'album de la semaine que tu nous proposes, oui. Il s'appelle Arbor. Ardor. Ardor. Ardor. Ah bon, d'accord. Les ardeurs. Voilà. Et en parlant d'ardeur, d'autres choses sur ce groupe, non? Bien, ce sera pour tout à l'heure. Ce sera après 9h. Oui. Bon. Un peu de mystère. Oui, oui, oui, bah, c'est quand même déjà que du mystère. Donc, un peu, il en faut pas des masses. Non c'est plus, vrai. Là. Elle a un petit peu de jingle et puis un petit peu de musique, il y aura la police, mais ne vous inquiétez pas, c'est compris dans le texte. Tous les canards vont à la mare, et c'est bien fait pour vous, RQC. Crazy on that picture. l'assassin de la police. Ouais, il y a ça, c'est ça le terme. Ça rappelle quelque chose. Ah ouais, ça rappelle quelque chose, ils doivent être bien contents quand même, voire même un soupçon de fierté. Bah d'ailleurs, ils se reforment peut-être que c'est ça. Ah, ah. Va savoir, va savoir. Bon, allez, cette petite parenthèse qui figure dans le morceau Black Hoodie qui termine le dernier opus en date de Body Count, album qui s'appelle Bloodlust, qui sortait le 31 mars dernier, qui figurera sans aucun problème dans tous les top albums plus ou moins rock metal de 2017, parce qu'il est absolument somptueux. Mmh. Il y a, c'est vraiment l'album pour faire plaisir. Voilà, d'accord. Ouais, c'est du très bon Body Count, il y a des très bons riffs, il y a des belles compositions, il y a des reprises aussi, il y a des invités, tu vois, un peu l'album pour faire plaisir, bah voilà. Dans les reprises, il y a notamment une relecture assez personnelle, mais en même temps très proche de l'original, de Raining Blood, de Slayer, voilà. Il y a Max Cavalera qui participe sur un titre. Qu'à faire. Il y a Randy Bliss, chanteur de Lamb of God, qui accompagne aussi Ice-T sur un titre. Ice-T qui, ça va tout doucement, mais sûrement, Monsieur Tracy Lauren Mowell, c'est son nom, ça va tout doucement vers ses 60 ans. Aïe, aïe, aïe. On dirait pas, hein, quand même, je trouve. Ah, ça, c'est ouais, la c'est police. Ça. Comme quoi, la musique reste jeune, quoi. C'est qui ça. Est évidemment connue aussi... pour être un détective dans la série New York Unité Spéciale qui a, je ne sais plus combien, 17-18 saisons, là, un truc de et fou. Il est là depuis le début, pratiquement. Et il est là, me semble-t-il, depuis le début, si pas la première, mais en tout cas, voilà, ouais, si, 2000. Donc, depuis le début, il incarne le sergent Odafine Toutou, là. C'est ça. Tout va bien. Et il fait ça plutôt bien, d'ailleurs. Ouais. Il est absolument crédible. Pas mal, pas mal. Assassin de la police. Bravo. Bon, ouais. Un petit fil rouge. Ouais, et une petite info sportive. Petite info sportive. Bah oui, la Belgique est en finale de la Coupe Davis. Voilà, France-Belgique. C'est ça, ouais. Et ça, à mon avis, chose est sûre, il y a déjà deux gagnants, sûr et certain. Le public et l'ambiance. Ça va être... je sais pas où ça va se passer, mais ça va être la folie. Ça va être assez amusant. Ça peut être pas mal. Donc si vous avez l'occasion, quand, vous... ouais. quand on est juste à la frontière, à mon avis. Ouais, c'est ça, quoi. Voilà. Allez vous amuser. C'est ça. Allez, fil rouge. Le fil rouge. Le dernier David Bowie. Mm-hmm. De ce fil rouge. Lazarus. Ouais. Entre autres. Ouais. Black Star, quoi. Black Star. Voilà. Donc David Bowie qui ne fera plus énormément d'apparitions. Non, mais non. Sauf pour Lazarus, justement, le 7 décembre 2015, pour la première à New York. Et on le verra plus jamais sur une scène par la suite. Il sortira Black Star le 8 janvier. Pour son anif. Pour ses 69 ans. Mmh. Voilà. Et il décédera le 10 janvier, deux jours après. Alors, prévu, pas prévu, c'était... Ah ouais, là, c'est... C'est un peu le truc mystique. C'est un peu retombé, là, mais... ça a été un peu, ouais. Mais c'est... remettez-vous dans l'ambiance à l'époque, ouais, là, en fait, il était déjà mort. La maison disque a attendu pour sortir le disque le 8, blablabla, on a tout entendu. Quoi. Non, pas du tout. Alors non, il n'était pas encore mort. Voilà. Tout lui, tout entendu. Ça devait être, oui, son album... voilà, son dernier album et son album d'adieu, tout à fait, mais pour lui, il pensait pas qu'il allait mourir tout de suite, mais qu'il allait encore avoir quelques mois devant lui, pour profiter en tout cas de cet album. C'est ça. Et donc oui, non, c'était pas prévu, faut arrêter le jeu. j'ai lu. Voilà, il n'y a pas un truc derrière. Alors, les clips qui parlent et tout ça, qui mettent en scène, est-ce qu'au final, on n'a pas, on l'a pas filmé sur son lit de mort, en gros? Non. Tu vois? Non. Non, non. Voilà, et donc, voilà, décédé le 8 janvier, et on parlait justement la semaine passée de cette fameuse expo Bowie Is. 1,3 million de personnes iront voir cette... Voilà, cette expo en 2016, pour rendre hommage à ce très grand monsieur quand même. de la musique. Oui. Voilà. Il y a une déclinaison de Black Star avec des musiciens de jazz. C'est vrai. Ouais. Et il y a un Français qui a participé d'ailleurs. Il y a eu une sortie, je pense, peut-être bien l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, avec l'un ou l'autre morceau réarrangé façon jazz. Et c'était une déclinaison travaillée déjà par Bowie. Donc il avait envie de travailler, quoi. Voilà. Bien. Ouais, alors le morceau de Black Star que j'ai choisi ce soir, en fait, c'est un morceau qui date de 5 ans auparavant, avant l'album, c'est Sioux. Or, On a Scene of Crime. Mm-hmm. Voilà, petit clin d'œil. donc, extrait de cet album, et ce dernier album de David Bowie, Black Star, Sioux. Qui est absolument somptueux d'ailleurs. C'est vrai. Voilà, c'est dans la discographie de Bowie, y en a 2-3 à retenir, dont celui-là. Enfin, à retenir pour toujours, j'ai envie de dire. Aussi. I got the job. We'll Allez, un petit détour vers les musiques bruyantes et agitées en compagnie de Korenko. Oui. Voilà. On aura le boss hein, par téléphone, mais c'est pas tout de suite. Un de ces jours. Mais non, ça va se faire dimanche, je suis... Bah, un de ces jours, oui. C'est bien évidemment, bien sûr. Wolfie is in the throne of... In the throne room. J'y arrive, pourquoi j'ai mis un ouf là-dedans? Il y en a pas. Thrice Woven, Mother Hall and Father Ocean. Qui annonce un album qui va arriver le 22 septembre prochain. Ils sont quand même prolifiques, quoi. Le groupe Redemption qui a aussi annoncé la semaine dernière la venue d'un nouveau chanteur, Tom Englund, qui était chanteur ou qui est toujours chanteur chez Evergrey. Voilà. Le groupe va sortir un nouvel album qui s'appelle Long Night's Journey into D. Ça sortira en janvier 2018. Album qui sera produit par Jacob Monsen. Et il y aura notamment des participations parmi les guitaristes. Chris Pullen qui joue dans Megadeth. Voilà, sympa quand même. Hein, qui va participer à cet opus dans les news de la semaine dernière. Il faut que ma page charge. Ça doit se faire. Hein. Oui. Bah, évidemment. Et ça, c'est quand tu travailles à l'ancienne, quoi. Marilyn Manson, on en parlait. Mm-hmm. Nouvel album pour Marilyn Manson qui s'appelle Even Upside Down qui sortira le 6 octobre prochain. Ouais. Il y a un single qui tourne, We Know Where You Fucking Live. Il y a bien les fucking. Tout est dans la poésie, évidemment. Et l'album va compter 10 titres. Voilà, bon. J'ai absolument pas écouté, je ne sais pas moi ce non que plus. Vaut le futur Marilyn Manson. Maharajas qui va sortir un nouvel album, ça s'appelle You Can't Beat Yaos. Ça sortira en octobre, il y aura une version limitée vinyle, hein, tirage évidemment, sur Chapital Records, qui est un nouveau label me semble-t-il. Sortie limitée à 500 exemplaires pour les Maharajas. On poursuit dans les news évidemment, avec Dreamcatcher qui a présenté une nouvelle vidéo qui s'appelle Blood on the Snow, ça porte très très bien son titre, et un album pour Dreamcatcher arrive le 13 octobre prochain. On poursuit dans les news avec Annihilator qui revient lui aussi, il meurt jamais. Hein. Non, c'est ça. Il revient en novembre avec l'album For the Demented, et il y a un premier single qui était sorti avec un clip pas trop mal fait, allez. Ça sent un peu la poussière et la sueur. Ça s'appelle Twist Lobotomy pour Annihilator. Bah ouais, bien sûr. Il y a des gens s'appelant Annihilator, forcément. Ouais. Allez, on va sortir un petit peu du cadre exclusivement métal avec Weezer. Mon Dieu. Qui revient avec un album qui s'appelle Pacific D-Dream. Album qui sortira le 27 octobre prochain. C'était l'info qui n'a aucune importance. On s'en fout. Mais on tient à vous la partager quand même. Nouvelle sortie aussi pour Samael. Là aussi, ça sortira en octobre. Il y aura beaucoup de choses en octobre. Ça sort chez Napalm Records. L'album s'appelle Hégémonie. Voilà, pour Samael. On poursuit dans les news. Rien de Krusty Choc hein, quand même. C'était plutôt calme. Non, pas... Plutôt calme, Nancy Ferrum évidemment qui propose un making-of, ça se fait évidemment hein, pour les groupes qui bossent sur des albums ou des prods à venir, et ben, on voit des vidéos sur YouTube, ça se fait de plus en plus, et le groupe Nancy Ferrum s'en sort aussi. Là, l'autre info dont on n'en avait rien à faire, c'est qu'Evanescence va sortir une version symphonique. Ce que j'étais en train de lire justement. Et ça n'a strictement aucun intérêt, mais en même temps, soyons de bon compte, Evanescence n'a jamais eu aucun intérêt. On est bien d'accord. Voilà, ceci étant dit. Allez, l'album du mois chez Korenko, c'est Les Prousses. On s'en va du côté du Hellfest d'abord, parce que je pense que ça a marqué le coup pour la plupart des chroniqueurs et des gens qui suivent le Hellfest pour Korenko et qui participent évidemment au festival et qui sont tombés sur ce groupe en 2013. Pourquoi ? Parce que y a un bouche à oreille. Voilà, c'est à l'ancienne, ça a plutôt bien fonctionné. Il y a un bouche à oreille qui a ramené des gens devant la scène, c'est plutôt bien. On a fait un petit peu de name dropping comme ça en parlant de On a parlé des excellents Dog Fashion Disco. Tiens, on fera un jour une archive sur Dog Fashion Disco. On attendra qu'ils vieillissent un peu, mais un très bon groupe. On a parlé de Kever Latak, on a parlé de Devin Townsend, bref, des gens plutôt de bonne compagnie, et qui mélangent souvent adroitement modernité, prog un peu classieux, parfois un peu prout-prout, et métal. Voilà, ils font partie de cette veine-là, et donc les pros, ça a amené pas mal de gens, et ça se poursuit. Il y avait un album qui était sorti en 2015 qui s'appelle The Congregation et un album qui sort en 2017 qui s'appelle Malina. Voilà. Il y a Cyril qui s'en est occupé pour la Crow et pour le groupe et pour définir que c'est d'être l'album du le groupe du mois. Voilà. Je vois la note bien élevée. Et une note bien élevée de 9,25 sur 10, absolument. C'est pas par hasard, quoi. Hein, voilà. Inside Out Music pour le label. On s'en va en Norvège. On va prendre un petit coup de frais derrière les oreilles. Les Prousses avec Illuminate. J'ai choisi avec ça de cet album qui est probablement le moins métal et le plus électro de l'album. D'accord. Et donc, on va dire qu'il est mon morceau qui m'intéresse le plus. Okay. C'est plaisir comme on peut. C'est vrai. C'est parti, les Prousses. You're wrong. tous les canards vont à la mare. Et c'est bien fait pour vous. RQC. Allez, le petit morceau groovy. Yeah, groovy. C'est toujours extrait de cette fameuse compile Street Sounds from the Bay Area, Music City Funk and Soul Grooves 1971-75. Mm-hmm. Voilà. Bon. J'aime bien les noms rallonges. Oui. On écoutait Charles Duck Williams featuring Darundo. Mm-hmm. Enchanté. Et le morceau s'appelait Bumpin' on Sunset. Tout simplement. Ouais. Non mais c'est vrai, c'est un peu bumpin aussi. C'est un peu, ouais. Quand ouais, un petit peu de ouais, ça. On va se promener pendant les semaines à venir sur cette compile. On a cru comprendre. Voilà. Mais c'est bien. Mais oui. Mais... C'est surtout c'est des artistes complètement inconnus, donc... Mais voilà, avec quand même une belle qualité. Quand même. Il faut le dire, il faut le dire. Allez, à l'heure de l'archive et du vinyle qui craque comme ça, ben ça sera pas un vinyle qui craque pour ce soir. Ouh. Oh ben, on change. Hein. Mais on s'en va de l'archive quand même, parce que mine de rien, le bonhomme dont on va causer pour ce qui suit, à savoir Johan Von Roy, est en route depuis ben, bientôt 30 ans, voire même un peu plus. Il a démarré par bidouiller des cassettes chez lui et faire un petit peu de musique un peu expérimentale en 1986. Ouais. Et donc c'est plutôt bien. Mais il a pris le temps avant de faire des albums, puisque son premier opus va sortir en 1994. Soit ouais, il a pris le temps. Ouais, soit 7 ans plus tard, voilà. Et c'est un gars qui est un peu comme ça, un peu... Enfin, pas vraiment dans l'urgence, si tu vois ce que je veux dire. Il a bien raison, ils prennent son temps. Par contre, c'est devenu un grand monsieur de ce qu'on peut appeler l'électro-body music, l'industriel, mais façon bien pitchée avec beaucoup de BPM, voilà. Et il est connu sous le nom de son projet, évidemment, qui s'appelle Suicide Commando. Voilà. Suicide Commando, qui sort un album assez, assez fameux, qui est devenu au fil des années, vu qu'il prend le temps. L'album aussi a pris le temps de se faire connaître. Un classique parmi les classiques, pour les gens qui aiment bien la musique un peu bodybuildée. Ça s'appelle Stored Image. Ça sort à l'époque, me semble-t-il, sur le label Out of Line. Mm-hmm. Voilà, on est en 1995, c'est le deuxième opus. Ouais, le premier c'était 94, le deuxième c'est 95, Stored Image, avec un hymne pour tous qui s'appelle See You in Hell. Moi, ouais, bien sûr. Forcément. Forcément. Suicide Commando, c'est parti. We'll be right back. One line. One line. A paper. A sound. Books on the Radio. Allez, Books on the Radio, et on ne quitte pas le Canada. Eh ben. C'est pas fait exprès. le livre s'appelle Le Tricycle Rouge, ouais, de Vincent Howe. Je ne sais pas comment ça se prononce exactement. Mm-hmm. C'est H-A-U-U-Y. Howe, ouais, ça peut être ça, bien. À mon avis, c'est Howe. Alors, Vincent Howe, qui est donc canadien et qui est à la base concepteur de jeux vidéo. Ah, ça, ça donne de l'inspiration. Donc, c'est son premier roman, Le Tricycle Rouge. Alors, l'histoire nous ramène avec Noah Wallace, mm-hmm, ex-profiler, ouais, voilà, qui a subi un accident, en fait, et qui n'a plus toutes ses capacités de très grand profiler. Mm-hmm. Il était reconnu entre les États-Unis et le Canada, justement, puisque l'histoire se passe entre les deux pays. Et il va recevoir la visite de son ex-coéquipier, on va dire ça comme ça, mm-hmm, Steve Raymond, qui est resté enquêteur à New York. Et on va l'appeler parce qu'on a retrouvé un corps, mm-hmm, plutôt salement amoché, d'accord, avec une carte postale, ouais, sur lui et le nom de Noah Wallace, bon, dessus. Ça va le ramener en fait à des meurtres commis 5 ans auparavant. Mmh. Puisque on passe sur le même mode opératoire que 5 ans auparavant. D'accord. Voilà. Sauf que les souvenirs de Noah Wallace depuis son accident de voiture sont très compliqués à aller rechercher. Mmh. Parce que lui ne se souvient voilà, pratiquement plus de son accident, de ce qui s'est passé quelques temps après. Il ne se souvient plus de son enfance. Mmh. Par contre, il se souvient très bien que sa femme est morte dans cet accident. Et donc, il se sent aussi coupable. D'accord. De ça. Mmh. Dans le même temps, parce qu'il y a forcément deux choses qui se passent, c'est une journaliste, Sophie Lavallée, mmh, qui tient un petit blog un peu enquête, enquêtrice sur les conspirations, sur les enquêtes criminelles, voilà, un peu de tout. Et qui cherche en fait à avoir une place dans un grand journal, comme la plupart des journalistes. Mmh. Et elle va commencer à enquêter sur la disparition d'un ancien journaliste, justement. Ouais. Qui a disparu, on ne sait pas où. D'accord. On ne sait pas comment. C'est un peu le mystère autour. Et donc les deux affaires sont très liées. Mmh. Alors par quoi ? T'es Je pas... vous laisse le découvrir. Mmh. Le tricycle rouge. Ah non, pas le tricycle rouge. Alors oui, le tricycle rouge, c'est assez marrant parce que bah, pourquoi un tricycle rouge ? Pourquoi ce bouquin s'appelle le tricycle rouge ? Je ne sais pas. Eh ben on l'apprend à la fin en fait. Ah ouais. Voilà. Alors il y a des phrases qui reviennent et surtout une phrase « Ils voient tous le tricycle rouge, la flaque de sang qui s'écoule et le petit garçon étendu sur l'asphalte. Ils savent que leur vie vient de basculer et qu'elle ne sera plus jamais la même. » Ouais. Quand tu dis ça, tu dis tout et tu dis rien, quoi. C'est ça, voilà. Bon, vu d'ici, ah, ça. Il y a la table qui penche un peu parce que c'est, ça fait son poids quand même. C'est un beau bloc, c'est, ouais. C'est fameuse brique, je sais pas, 900 pages, un truc du genre. Ah non, non, 400, 500 presque, ouais. C'est vrai. 500, ah, ça paraît bien, ouais, plus volumineux quand même. C'est très volumineux, ouais. Ouais, ouais. C'est, voilà, c'est une écriture correcte, donc ouais, ouais, ça va. Alors c'est. Un livre qui se lit très très vite pour les 500 pages, parce qu'on est complètement happé dans l'histoire et il y a plein de rebondissements dedans. Bon, bien écrit du coup. C'est super bien écrit. Mm-hmm. C'est, alors il y a un côté un petit peu fantastique. Ouais. Voilà, c'est, ça pourrait, enfin, je pense que ça pourrait exister, tout le monde pense que ça pourrait exister, et je pense que ça a existé, mm-hmm, qui est très bien documenté. D'accord. Voilà. Parce qu'il y a toute une histoire derrière mm-hmm, qu'on découvre dans la deuxième partie du bouquin, en fait. Bien. Parce qu'il y a quand même deux parties. C'est une première partie qui se fixe vraiment sur les meurtres, mm-hmm, Voilà, une deuxième partie qui se fixe un peu plus sur la vie de Noah Wallace et pourquoi il est devenu ce qu'il est actuellement. Bien. Très, très énigmatique quand même, l'histoire, hein, franchement. Ouais, ouais. Je pense que c'est ça qui attire aussi. Ouais, on lit, voilà, il est rappelé pour des meurtres et tout. Tu dis, ouais, ça y est, c'est un thriller plus ou moins comme les autres. Ouais. Mais rien à voir, en fait. D'accord. Vincent, ah oui, le tricycle rouge, alors ça sort, je connais absolument pas. Hugo Thriller. Hugo ouais. Thriller, ouais, c'est la maison d'édition inconnue au bataillon. Inconnue aussi au bataillon. Mais c'est une maison d'édition canadienne. Canadienne, donc, ouais, c'est ça. Il ouais. faut ouais. savoir que les auteurs canadiens sont très difficiles à trouver par chez nous. C'est vrai. Et inversement, au Canada, les auteurs français ou francophones en tout cas, mm-hmm. sont très difficiles à trouver au Canada. Bon. Donc voilà, mais premier bouquin, un gros coup de cœur 2017 en tout cas, parce que c'est sorti cette année. Ouais. Donc ceux qui aiment bien les thrillers et les histoires à rebondissement comme pas possible, d'accord. allez-y, foncez dessus, franchement c'est un très très bon bouquin. Bien. Voilà. Rappelle une dernière fois, Tricycle rouge, Vincent, ah oui, chez Hugo Thriller, c'est canadien, c'est pas facile à trouver, mais s'il est ici sur la table et que la table penche... si, on peut le retrouver dans les supermarchés, par exemple, ah ouais, voilà, où on peut le commander sur Internet sans souci, seulement, bah, voilà, il n'y en a pas beaucoup qui passent la frontière en tout cas, mais celui-là, il est passé, et tant mieux. Bon, allez, bonne nouvelle. On vous en a parlé la semaine dernière, hein, pour ce petit opus... 45 tours, on peut nous rappeler ça dans le temps, puisqu'il y a deux titres, une face A, une face B. Burrows and Other High Outs, c'est les Brightoniens de Shack Ends. On avait écouté Burrows la semaine dernière, on va écouter la face B qui s'appelle Arms, tout simplement, Shack Ends. C'est parti. Chuck Haines, on attend quand même l'album. Allez. Franchement. Bientôt peut-être. Oui, oui, bah, ils prennent leur temps peut-être aussi. Hein. C'est ça. Eux aussi. Eux aussi. Allez, album de la semaine. Oui. Toujours avec les Canadiens de Big Brave. Mm-hmm. Et leur album Ardor. Mmh. Où on retrouve notamment dessus du violon. Oui. Voilà, de Jessica Moss, qui est en fait leader d'un groupe en fait symphonique. D'accord. Voilà, très connu au Canada. Bon. Et on retrouve également de la contrebasse. Ah. Cure-toi dessus. de Thierry Amat, qui est, fait partie en fait du Hotel Chutango. Il s'en passe des choses au Canada quand même. Il se passe plein de trucs au Canada. Et c'est vraiment très bien. Donc, Ardor qui est signé chez, quand même, Southern Lord Records. Ah oui, oui, oui. Oui, ah, ouais, c'est ouais, pas ouais, de la petite, ouais. Monsieur. D'accord, d'accord. Ouais, ouais. Qui ont signé notamment Sun O. Oui, bien sûr. Et donc, ils, en fait, ils, leur album Au-delà était déjà signé chez eux et... ils ont juste envoyé un mail au boss de chez Southern Lord et juste pour lui demander de produire leur album. Et voilà. Des fois, faut pas compliquer les choses. Hein. C'est ça. C'est ça. Allez, dernier extrait pour ce soir pour cet album Ardor. Mm-hmm. On va écouter une balade, ça s'appelle Lul. Thank you. Il y en a qui ont le cœur si. Faut que je plonge dans la vie. Tes sensations. Dans une fuite où je sens, où je plonge pour toujours. Ta musique. Ta génération. Ta génération. Parce que j'aime autant vous dire que pour moi, Monsieur Eric, avec ses costards tissés en Écosse à Roubaix, ses boutons de manche étant simili et ses pompes à l'italienne fabriquées à Grenoble, eh ben c'est rien qu'un demi-sel. Et là, je parle juste question présentation. Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Bien, allez, un petit coup d'archive du dimanche. Mais là, c'est la grosse archive quand même. Oh, quand même. Enfin, la grosse archive. On s'entend bien. Ça n'a jamais que 20 ans, ce disque. Bah bon, ouais. C'est déjà pas mal, 20 ans. Ça sortait le 18 mars 1997. Second opus pour les Français de No One Is Innocent. Et quel opus ? L'album s'appelle Utopia. C'est un disque comme ils n'en feront sans doute plus jamais. C'est sûr même, je pense. Voilà. Et dans le paysage rock français en général, c'est probablement un ovni. Voilà. Ah, il y a des chances. Ouais. Ou un orni, objet rock non identifié. Allez savoir. Pourquoi ? Parce qu'ils prennent énormément de risques sur ce disque, ou presque, parce qu'ils vont quand même s'attacher à ce qu'ils ont fait connaître. On les a taxés de Rage Against the Machine français avec leur premier album et notamment leur premier single La Peau. Voilà. On les a un petit peu maltraités dès le départ, où on n'a pas donné beaucoup de crédibilité. Et donc, généralement, ça se vérifie, sauf que là, ah, on n'est pas crédible. Boum. Et donc, il y a cette bombe, ce disque un petit peu imparable, où il n'y a strictement rien acheté, qui est un objet. Voilà, un objet rock à conserver précieusement, parce qu'il est assez rare dans sa conception. Ouais. Et surtout, il est très très réussi. Il y a une participation évidemment dans ce disque, puisqu'on entend des voix parler. C'est Maurice Dantec, qui est un auteur de thriller, de science-fiction, écrivain franco-canadien, qui est décédé depuis, et très controversé pour ses prises de position, voilà, notamment en ce qui concerne l'islam. Ouais. Bon, on n'est pas toujours obligé de partager les idées, hein. Voilà. Fervent catholique sur un tard. Ouais, très tard même. Ouais. Mais à l'époque, en tout cas, 95, c'est surtout un bonhomme qui est engagé et c'est le conflit en Bosnie-Herzégovine. Et puis, lui, il n'a pas sa langue dans sa poche. Et on se souviendra notamment d'une intervention dans l'émission Nulle part ailleurs. Ouais. Chez Gildas et Decaune à l'époque, la bonne époque. Où il va dire tout le bien qu'il pense, évidemment, de l'Europe qui s'assoit un petit peu sur les Bosniens qui se font massacrer, voilà, dans leur pays, à quelques heures finalement d'avion de Paris. Et ça va avoir un effet assez retentissant. Voilà, ça c'est pour le cadre. Et dans ce cadre-là, évidemment, il va attirer l'attention des No One qui vont lui demander une collaboration, dont a été extrait ce Nomenclatura qui est le premier single et qui est un morceau absolument imparable. Ouais, extrait des Racines du Mal quand même. Extrait des Racines du Mal, bouquin qui sortait le 21 avril 1995. Voilà. C'est un petit bijou qu'on pourrait. Et qui est un grand thriller. On pouvait dire qu'il est un. Allez. Bah c'est un thriller, de toute façon. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre dans le thriller, genre. Ouais, clairement. Voilà. Et c'est dommage parce qu'il y a très peu de gens qui l'ont lu et qui connaissent, en tout cas dans le monde du thriller. C'est ça. C'est dingue. C'est un des rares bouquins que j'ai lu trois fois. Ouais, je dois le voir deux ou trois fois aussi, pareil. Donc, et j'ai toujours plaisir à lire ce bouquin parce qu'il vit bien. Bon, soit on revient chez les Noën, Utopia sera accueillie plutôt sèchement parce que. Le disque, ouais, on sent bien qu'il y a vraiment quelque chose de très particulier dans ce disque, mais ça va déjà un peu trop loin, peut-être. Alors c'est marrant parce que on est en pleine période Korn, Deftones, etc. Et donc il y a des petits malins qui vont essayer de faire des rapprochements là où il faut, là où il en faut pas. C'est sûr. Hein, puisque ce disque est tout simplement unique. C'est dû à quoi ? C'est dû si on parle un peu technique, à l'enregistrement fait par un certain Ulrich Wild, pote au KMFDM, bon ça aide, et qui a notamment bossé pour White Zombie pendant des années, pour Deftones justement, qui va se taper en 96 au moment de l'enregistrement. Alors ouais, les No One vont à Woodstock pour enregistrer ce disque. Excusez du peu. Voilà, il y a KMFDM qui est occupé d'enregistrer dans un studio d'à côté. Il y a Prong qui est occupé d'enregistrer dans l'autre studio. Voilà, et Rick White passe son temps entre KMFDM, Prong et No One. C'est un petit peu perdu là-dedans. Ouais. Mais sortira quand même cet album qui est un véritable bijou, n'ayons pas peur des mots, et qui mérite d'être redécouvert si c'est pas fait. Ruez-vous sur ce disque. Et puis un petit cocorico au passage avant de passer le second titre. Un disque qui est proche de Moucron, Utopia. Bah oui. plutôt rue de la Montagne du côté de Vigny. Avec une guitare dans les mains, c'est ça? Avec une guitare dans les mains, puisque le guitariste qui accompagne... Alors le groupe a changé de line-up plein de fois, évidemment. Ouais, ouais. C'est probablement le line-up le plus intéressant, celui-là. C'est sûr, même, je pense. Bon, on peut faire un petit cocorico, puisqu'il y a David Defour, guitariste avec les frères Messiane chez United Biscuit, ici à Moucron. Ouais, ici à Moucron, qui se retrouve guitariste chez pour Utopia. Et ça va aller plus loin, puisque il va proposer une guitare sur mesure, trois cordes. Mmh. C'est une guitare qui est cassée, ouais, qui est rafistolée par un luthier, mais on conserve que les trois cordes et un accordage assez particulier pour ces trois cordes-là. Donc c'est même un modèle unique, voilà. Et il va faire toute la tournée avec cette gratte-là. Bon. Normal. Rien comme les autres pour ce disque, absolument rien comme les autres. Il y a plein de choses vraiment intéressantes. Il y a des passages à ma main, limite trip-hop, hein, Autobahn Babies, ce genre de choses, Pinkcrest Solution. Mais il y a du No One pur jus comme ce Invisible avec lequel on referme ce disque pour ce soir. Mais on vous invite vivement, vivement, vivement à y retourner de temps en temps. Valeur très très sûre. Utopia, No One Is Innocent, ça sortait chez Island Records, ou le label de U2. C'est ça. C'est parti. We'll be right back. On se lasse pas. C'est toujours du bien. Allez, un petit nouveau. Attends. Bah oui, c'est pour ça que je le dis. Ça va venir. J'attends. Nouveau. Voilà. Le petit nouveau. Quatuor belge, oui. Bruxellois, mm-hmm. même. Le groupe s'appelle Empereur. Mm-hmm. Ils sont sortis cette année un 4 titres qui s'appelle Every Day is Death and Resurrection Show. Influencé par Killing Joke ou quoi? Bah, vu la pochette de l'album, ça pourrait. Ah bah ouais. Ouais, bah, la pochette oui. Et puis titre et tout quoi. Voilà. Oh là, et j'ai vu le label, Miam. Miam. Alors... Voilà, un label qui est bien connu chez nous, le Turc Mécanique. Ah, voilà, comme ça s'est dit. Des amis presque. Oui, et... Des amis presque aussi, également sortis chez Casbah Records. Ah bah oui, oh, oh, oh. Oui monsieur. Bah écoute, Rock à la Casbah, c'est ça. Émission radio, voilà. Sur l'antenne ici, tous les vendredis de 9 à 10, et rediff le dimanche juste après nous, ou presque, 23 minuit. Ça tombe bien. Et qu'est-ce que tu crois? Non, j'avais pas réfléchi à ça, je l'avoue. Ils avaient sorti il y a quelques années deux titres qui s'appelaient She Was Wild Puritans, apparemment qui avait très cartonné, en tout cas dans le monde un peu... Underground. Qui n'est pas passé chez nous malheureusement, mais on va se rattraper, on va écouter le morceau No Shelter du groupe Empereur. We'll be right back. Bon, les gars, je dois vous dire quelque chose d'extraordinaire. Bonjour, mes chers auditeurs. Quoi? C'est la belle mélodie, hein? Voilà. Pour moi, c'est pas la musique, quoi. Toi. Oui, j'ai l'oreille absolue, voyez-vous. Et c'est excessivement rare, et merci bien. Fume, c'est du belge. Il y a 15 ans que j'ai fait des chansons, je ne sais pas comment on fait une chanson. Je sais à peu près maintenant comment on ne fait pas une chanson. La place Poulard, t'as ici grand. T'es pas sur la croisette, hein. Sur RQC 95 FM. Ouais, un peu d'auto-promo, d'accord. Mais beaucoup d'auto-dérision, puisque Fume, c'est du belge, aussi une séquence belge qu'on peut retrouver sur nos ondes. Et c'est donc, ça. Pourquoi pas bientôt un peu rare dedans. Mais oui, ah avec bah, plaisir. Écoute, mais quel bonheur. C'est du bonheur. Mais quel bonheur, franchement. J'espère que ça a fait bouger vos popotes. Ah oui. Alors, week-end prochain, comme ça j'annonce. Et quoi, c'est même pas un album de la semaine. La semaine prochaine. Donc, attention, je baisse ce son. Album de la semaine. Je vous l'annonce déjà. Waouh. J'ai en ma possession 2 vinyles de Emperor. Un que je garde pour moi, forcément. Mmh. Un que je peux vous offrir. C'est pas beau, ça. Ah, il faudra répondre qu'ils sont de Bruxelles. Ce sera la question. C'est trop facile. C'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, ouais, tu es bien la page des canards. Chousse. Dimanche prochain. Chousse. On vous fera gagner donc Chousse. Le vinyle d'Empereur. D'Empereur. Ça va beau ça. Premier et... concours des canards. C'est ça après 10 ans. Le prochain c'est dans 10 ans donc. Ouais c'est ça. Arrêtez de déconner après. Ouais voilà, enfin bref. Duo mexicain. N'a rien à voir. Qui oui. répond au doux nom de E.A. et A.A.L. Oui. Voilà, et qui fait un groupe qui s'appelle le Flying Low Flying Hawks, les faucons qui volent lentement. Voilà, oui, non. Chacun son truc. Qui sort un deuxième opus qui s'appelle Gengaku. Et E.A. Sérieusement, et... non, mais si, Gengaku, absolument. Tout ça est très sérieux. Et E.A. et A.L. donc le petit duo mexicain, s'est entouré un petit peu, comme pour le premier album, de quelques amis qui sont venus faire un peu de musique avec eux, parmi lesquels Del Grover, batteur des Melvins, Buzz Osborne, guitariste des Melvins, ouais. Tous les Melvins. Trevor Dune, bassiste de Mr. Bungle. Ça va. Bon, voilà. Et Toshi Kazai, qui est guitariste et vocaliste chez Big Business, groupe ami des Melvins. C'est sympathique. Et tous ces gens... La Melvins Family s'est réunie derrière les deux Mexicains, A.L. et E.A. C'est sympathique. Pour cet opus Gengaku, pour le groupe Low Flying Hawks. C'est maintenant. Bim! We'll be right back. Space Wizard, Low Flying Hawks sur Kengaku, quand deux Mexicains font la connaissance des Melvins. Ouais, ça donne ça. Ça donne ça, absolument. Bien, le petit dernier. Le petit dernier, on va partir en 1967. Mm-hmm. Quelques années de ça. 50 ans. C'est ça. Sur un album qui s'appelle Surrealistic Pillow. Ah mais oui, fort bien. Mais oui, Jefferson Airplane, forcément. Et le morceau White Rabbit. Eh ben voilà, quoi que vous fassiez, faites-le bien, sortez couvert sur Prudent la semaine prochaine. Bonsoir. What are they doing at night in the park? Ducks, ducks, quack, quack, quack, quack. Think of them waddling about in the dark. And you know you're going to fall. Tell them all.